Unité 34. Conversation. Écoutez. Olivier, voudrais-tu venir m'attendre au métro ? Au métro, où ça ? À la sortie du métro Arts et Métiers, à l'angle de la rue Beaubourg. D'accord ? Tu as compris ? Oui, je te retrouve à l'angle de la rue Beaubourg. Mais pourquoi veux-tu que j'aille te rejoindre ? Ça me gagnerait du temps. Je voudrais qu'on aille t'acheter des chemises. Mais je devrais aller travailler chez François. C'est vraiment indispensable que je vienne ? Oui, tu lui téléphones. Et puis, j'ai oublié de prendre de l'argent. Où y en a-t-il ? Tu sais bien, toujours au même endroit. Dans le tiroir de la commode ? Oui, dépêche-toi. Comme ça, je finirai mes achats ce soir. Ce soir. Mais tu pourrais les finir demain. Non, comme ça, demain, nous aurions toute la journée pour faire les valises. Il est 5 heures. On se retrouve dans une demi-heure ? D'accord. Répétez. 1. Olivier, voudrais-tu venir m'attendre au métro ? 2. Au métro, où ça ? 3. À la sortie du métro Arts et Métiers, à l'angle de la rue Beaubourg. D'accord ? Tu as compris ? Quatre. Oui, je te retrouve à l'angle de la rue Beaubourg. 5. Mais pourquoi veux-tu que j'aille te rejoindre ? 6. Ça me gagnerait du temps. Je voudrais qu'on aille t'acheter des chemises. 7. Mais je devrais aller travailler chez François. C'est vraiment indispensable que je vienne ? 8. Oui, tu lui téléphones. Et puis, j'ai oublié de prendre de l'argent. 9. Où y en a-t-il ? 10. Tu sais bien, toujours au même endroit. 11. Dans le tiroir de la commode ? 12. Oui, dépêche-toi. Comme ça, je finirai mes achats ce soir. 13. Mais tu pourrais les finir demain. 14. Non, comme ça, demain, nous aurions toute la journée pour faire les valises. 15. Il est 5 heures. On se retrouve dans une demi-heure. 16. D'accord. Répondez, répétez. 17. Olivier, voudrais-tu venir m'attendre au métro ? 18. Au métro, où ça ? 19. À la sortie du métro Arts et Métiers, à l'angle de la rue Beaubourg. D'accord ? Tu as compris ? 20. Oui, je te retrouve à l'angle de la rue Beaubourg. 21. Mais pourquoi veux-tu que j'aille te rejoindre ? 22. Ça me gagnerait du temps. Je voudrais qu'on aille t'acheter des chemises. 23. Mais je devrais aller travailler chez François. C'est vraiment indispensable que je vienne. 24. Oui, tu lui téléphones. Et puis, j'ai oublié de prendre de l'argent. 25. Où y en a-t-il ? 26. Tu sais bien, toujours au même endroit. 27. Dans le tiroir de la commode ? 28. Oui, dépêche-toi. Comme ça, je finirai mes achats ce soir. 29. Mais tu pourrais les finir demain. 30. Non, comme ça, demain, nous aurions toute la journée pour faire les valises. 31. Il est 5 heures. On se retrouve dans une demi-heure. 32. D'accord. Écoutez. Déjà le 10 décembre? Il faut que je finisse mes achats de Noël. Et quand partons-nous? Ton père et moi, nous voudrions partir le 22 au soir. Que pourrions-nous offrir à Valérie? Du papier à lettres ou des livres? Elle préférerait, il me semble, du papier à lettres. Et pour Olivier? Ce n'est pas compliqué. Il a envie d'un Scrabble. Répétez. 33. Déjà le 10 décembre? 34. Il faut que je finisse mes achats de Noël. 35. Et quand partons-nous? 36. Ton père et moi, nous voudrions partir le 22 au soir. 37. Que pourrions-nous offrir à Valérie? Du papier à lettres ou des livres? 38. Elle préférerait, il me semble, du papier à lettres. 39. Et pour Olivier? 40. Ce n'est pas compliqué. Il a envie d'un Scrabble. Répondez, répétez. 41. Déjà le 10 décembre? 42. Il faut que je finisse mes achats de Noël. 43. Et quand partons-nous? 44. Ton père et moi, nous voudrions partir le 22 au soir. 45. Que pourrions-nous offrir à Valérie? Du papier à lettres ou des livres? 46. Elle préférerait, il me semble, du papier à lettres. 47. Et pour Olivier? 48. Ce n'est pas compliqué. Il a envie d'un Scrabble. Écoutez. 49. S'il te plaît, aurais-tu 100 francs à me prêter? 50. Je te les prêterai volontiers, mais je ne les ai pas. 51. S'il vous plaît, monsieur, auriez-vous le monde de l'éducation? 52. Oui, monsieur, ça fait 7 francs. 53. Pouvez-vous me changer mon billet de 100 francs? 54. Non, monsieur, vous n'auriez pas de monnaie. 55. J'aurais besoin de téléphoner à Passo. As-tu son numéro? 56. Non, mais les renseignements pourraient te le donner. 57. Vous aimeriez venir en week-end avec nous? 58. Nous viendrions volontiers, mais ce n'est pas possible ce week-end. 59. Pourriez-vous venir la semaine prochaine? Nous serions très heureux de vous recevoir. 60. Oui, la semaine prochaine, nous devrions être libres. Répétez. 61. S'il te plaît, aurais-tu 100 francs à me prêter? 62. Je te les prêterai volontiers, mais je ne les ai pas. 63. S'il vous plaît, monsieur, auriez-vous le monde de l'éducation? 64. Oui, monsieur, ça fait 7 francs. 65. Pouvez-vous me changer mon billet de 100 francs? 66. Non, monsieur, vous n'auriez pas de monnaie. 67. J'aurais besoin de téléphoner à Passo. As-tu son numéro? 68. Non, mais les renseignements pourraient te le donner. 69. Vous aimeriez venir en week-end avec nous? 70. Nous viendrions volontiers, mais ce n'est pas possible ce week-end. 71. Pourriez-vous venir la semaine prochaine? Nous serions très heureux de vous recevoir. 72. Oui, la semaine prochaine, nous devrions être libres. Répondez, répétez. 73. S'il te plaît, aurais-tu 100 francs à me prêter? 74. Je te les prêterai volontiers, mais je ne les ai pas. 75. S'il vous plaît, monsieur, auriez-vous le monde de l'éducation? 76. Oui, monsieur, ça fait 7 francs. 77. Pouvez-vous me changer mon billet de 100 francs? 78. Non, monsieur, vous n'auriez pas de monnaie? 79. J'aurais besoin de téléphoner à Passo. As-tu son numéro? 80. Non, mais les renseignements pourraient te le donner. 81. Vous aimeriez venir en week-end avec nous? 82. Nous viendrions volontiers, mais ce n'est pas possible ce week-end. 83. Pourriez-vous venir la semaine prochaine? Nous serions très heureux de vous recevoir. 84. Oui, la semaine prochaine, nous devrions être libres. Écoutez. Nous pourrions finir l'année ensemble, non? Bien sûr. Qui inviterais-tu à ce réveillon? J'inviterai les Goyards, qui sont très sympathiques, et les Corbets. Ça te va? Va? Oui. Nous irions au restaurant ou nous ferions le réveillon chez l'une de nous? Pourquoi pas chez moi? Oui, si ça ne te donne pas trop de travail. Répétez. 85. Nous pourrions finir l'année ensemble, non? 86. Bien sûr. Qui inviterais-tu à ce réveillon? 87. J'inviterai les Goyards, qui sont très sympathiques, et les Corbets. Ça te va? 88. Oui. Nous irions au restaurant ou nous ferions le réveillon chez l'une de nous? 89. Pourquoi pas chez moi? 90. Oui, si ça ne te donne pas trop de travail. Répondez, répétez. 91. Nous pourrions finir l'année ensemble, non? 92. Bien sûr. Qui inviterais-tu à ce réveillon? 93. J'inviterai les Goyards, qui sont très sympathiques, et les Corbets. Ça te va? 94. Oui. Nous irions au restaurant ou nous ferions le réveillon chez l'une de nous? 95. Pourquoi pas chez moi? 96. Oui. Si ça ne te donne pas trop de travail.